Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio aux coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, 14-18, la guerre racontée par les archives, une série de Christelle Le Polothek réalisée par Nathalie Battus. Au départ de cette série, il y a un centenaire et une guerre qui n'en finissent pas, des témoins disparus et des commémorations qu'il ne faut pas négliger. Il y a une génération sacrifiée dans une boucherie épouvantable et un moment de bascule quasi mondial. Mais d'abord, il faut écouter l'histoire racontée par ceux qui l'ont vécue. Alors pour commencer, les personnages. Une femme et sa mémoire, un lycéen déshonoré, une étudiante qui manifeste, un écrivain vaincu, une femme qui veut voir, de vieux musiciens, un lieutenant ému, d'anciens combattants qui n'en reviennent pas d'avoir survécu, des prisonniers libérés et Joseph Kessel en héros un peu ivre. Ensuite le décor, Moscou, Saint-Pétersbourg, la marine, le froid, la guerre infinie, les grèves, l'anarchie, la république, la liesse, l'armistice, Rotonde, un bal en novembre, des enterrements collectifs, les grands boulevards, Vienne, New York et un dernier obus pour la route. Aujourd'hui, 4e épisode, c'est la Révolution. J'avais 11 ans quand la révolution a éclaté. J'appartenais à une famille des révolutionnaires. Et toute mon enfance s'est passée... Commencez par une phrase russe. Ah oui, bon. Attendez. Révolution совершилась, когда мне было 11 лет. Вера Лабров. Я принадлежала к семье революционеров. И все мое детство... прошло под впечатлением острого стыда за жестокую действительность царской России и сжимающего сердце чувства надежды на близкое освобождение, близкое воскресение. Это чувство жило во всех уголках... La même chose? LSD, la série documentaire. 14-18, la guerre racontée par les archives. La fin d'un monde. J'appartenais à la famille des révolutionnaires et toute mon enfance s'est passée sous l'impression d'une honte. Pour la réalité terrible de la Russie des Tsars et d'un sentiment d'espoir qui serrait le cœur que la libération est proche, que la résurrection va venir. Ce sentiment vivait dans tous les coins de la vie que nous donnait le régime des Tsars ces derniers temps. Une vie monotone, comme si elle était devenue en pierre. Et le silence était comme un silence mortel. On n'a pas prononcé des discours de séparation. Personne n'a trouvé une parole pour dire adieu au monarque qui s'en allait. Et le silence était comme une condamnation, comme une somme d'un étonnement profond que chacun éprouvait devant le spectacle d'une finition, d'une époque de 300 ans d'esclavage et de... le contraire de la lumière. Bon. Mon père disait que même avec l'antipathie qu'il ressentait pour l'empereur, malgré que tout le monde connaissait qu'il n'était plus populaire pour personne, ce terrible adieu était affreux. Grand et juste était le courroux du peuple contre le régime des tsars qu'il avait trahi. qui lui avait fourni que le joug et le mensonge. La Première Guerre mondiale va complètement redessiner la carte de l'Europe. Comme un château de cartes, les empires russes, ottomans, austro-hongrois et allemands vont s'effondrer un à un. Première étape, la Russie tsariste. En février 17, les premiers soulèvements ont lieu à Petrograd. Nicolas II ordonne de réprimer les manifestations par la force, mais les troupes refusent de le suivre. Il abdique quelques jours plus tard, le 2 mars 1917. Des témoins des événements nous racontent ces 10 jours qui ébranlèrent le monde. Nous arrivons à l'approche de la révolution au mois de février 1917. Fédor Komarov. En ce moment, de Russie, commencèrent à nous parvenir les nouvelles alarmantes sur l'esprit de l'armée et le mécontentement devenu quasi général. Vers la fin de février, éclatèrent spontanément les révoltes dans la garnison de Petrograd, mais à distance, cela ne paraissait pas grave. Mais ce qui nous arriva, c'est la chose à laquelle on s'y entendait le moins, l'abdication de l'empereur. C'était vraiment incroyable. Mais l'ordre du commandant en chef nous rappelait à la réalité. Quel que soit le gouvernement, la Russie continuera la guerre et personne n'a le droit de démissionner ni de se retirer du combat. Également, d'après les ordres du commandant en chef, l'acte d'abdication lui-même et son ordre du jour ont été lus aux équipages rassemblés sur les ponts des navires. Tout se passa bien, les équipages accueillirent la nouvelle tranquillement. Dans la plupart des cas, il n'y a eu ni cri ni manifestation quelconque, mais à la nuit, les choses se gâtèrent. Des mutineries éclatèrent sur les bateaux, surtout les bateaux qui étaient placés le long des quais. Les choses sont devenues plus que graves. Les quelques officiers ont été tués, certains ont pu être maltraités. Chez nous, dans la première division, tout était parfaitement calme. On ne craignait pas pour soi-même, mais les nouvelles qui parvenaient de Petrograd et de Kronstadt nous remplissaient d'horreur. Dans le lendemain, les massacres à terre continuèrent. L'amiral Népénin, le très populaire commandant en chef de la marine, a été tué à terre par des inconnus. Il y a eu des tueries également dans les appartements privés de quelques officiers qui n'appartenaient pas à la flotte active. Il s'est passé des choses vraiment effroyables et écœurantes. Par exemple, il y avait des morts qui ont été mis à la morgue et devant ces cadavres, des énergumènes chantaient et dansaient. Après la mort de l'amiral Népénine, le désordre s'installa à peu près partout. J'ai vu, je vous avoue, j'ai vu l'anarchie. Et c'est une chose incompréhensible pour un jeune garçon. Serge Liffard. De 12 ans. C'était un état vraiment d'un chaos effroyable. Je raconte une scène que j'ai déjà racontée quand j'étais lycéen. J'ai porté l'uniforme avec les aigles impériales. On a juré la fidélité à Sa Majesté l'empereur de la Sainte-Lucie, et tout d'un coup la bande, n'est-ce pas, armée qui quitte les fronts, qui me déshonore en somme, il déshonore mon uniforme. Alors c'est peut-être une des plus profondes blessures de mon âge, n'est-ce pas, c'est pas les gifles de maman, papa ou un camarade, c'est justement qu'on a osé toucher à mon uniforme, ça veut dire à la parole de la fidélité que nous avons prononcée devant un drapeau et devant une évangile. Alors, au moment de la révolution de février, j'avais 16 ans et demi. J'étais étudiante en médecine et je vivais ensemble avec deux autres camarades. Elisabeth Poretsky. Au fond, tout le monde était sous la guerre. C'était ça qui était le plus grand événement dans cette génération, la plus grande, parce qu'on avait des frères au front, parce qu'il manquait de tout dans la capitale, parce qu'il y avait derrière un gouvernement tsariste. On manquait de tout. Et les nouvelles du front étaient très mauvaises. Et on ne voyait pas du tout comment cette guerre pourra jamais finir. En ce moment-là, c'était en février aussi, qu'il y avait la journée internationale des femmes. Et ces femmes descendaient dans la rue. C'était le février et très froid à Leningrad, très affamées. C'était des mères, c'était des fiancées, c'était des femmes, des soldats au front. Et eux, toutes ces femmes avec un seul désir, que cette guerre finisse. C'était ça, la paix, surtout. Maintenant, ces femmes passaient d'une usine à une autre et appelaient les ouvriers de descendre dans la rue. C'était nouveau. Bien qu'on connaissait déjà des grèves avant, mais de descendre dans la rue était une autre chose. Et en effet, c'était vers midi, les rues commençaient à être assez noires et les ouvriers qui descendaient. Mais la capitale était quand même pleine de troupes. Il y avait des Cosaques et aussi de l'infanterie. Et on avait toujours peur des Cosaques, qui étaient le soutien du régime historique. Alors on avait peur d'eux, surtout. Mais pour une raison quelconque, ces Cosaques-là, qui étaient sur leurs chevaux, et naturellement très impressionnants, ne bougeaient pas du tout. Ce qu'il fallait, et ce que le gouvernement voulait, est d'empêcher des ouvriers de venir de la banlieue dans la ville. Donc, il fallait passer par le barrage de Cosaques. Et c'est là où cette foule s'approchait très lentement et timidement et s'attendait que les Cosaques immédiatement commencent à battre avec leurs nagaïkas qu'on avait et de pousser les chevaux. Le cheval répond immédiatement à son chevalier, mais il ne bougeait pas. C'est que les Cosaques ne bougeaient pas. Alors, c'est là où les ouvriers et ces femmes commençaient à passer sous le ventre des chevaux. On peut dire que c'est sous le ventre de ces Cosaques que la révolution a commencé. Et en effet, ils sont passés dans la ville. Plus dangereuse était l'infanterie. On peut approcher un homme, on peut lui taper sur l'épaule, mais l'infanterie avait le fusil. Alors, c'est là où Trotsky aussi, qui n'était pas là, écrit après que ses ouvriers, ses femmes, guettaient les yeux de ces soldats qui ont vu la guerre et qui guettaient ce sourire et ce clin d'œil. Et là, il commençait, camarades, vous n'allez pas fusiller les ouvriers, les femmes, nous voulons la paix, la paix, la paix, la paix. C'est ce qu'on entendait. Et ils n'ont pas tiré. C'est comme ça que la révolution a commencé. La révolution de février était une révolution spontanée. Elle n'était pas guidée ni menée par personne, par le peuple qui voulait la paix, le pain. Les bolcheviks et les puissances centrales signent un traité de paix le 3 mars 1917. Les Allemands peuvent alors se concentrer sur le front de l'Ouest, d'autant plus que les Américains sont sur le point de débarquer à Boulogne-sur-Mer. Au printemps 18, le général Ludendorff lance une grande offensive. Mais dès le début de l'été, face à la supériorité numérique des Alliés, la défaite est inéluctable. Les mutineries se multiplient au sein de l'armée allemande. Et on voit se créer un peu partout des conseils de soldats et d'ouvriers. Pourtant, sur le front, la guerre continue. Les mois se succèdent. Cet été de l'année 1918 est le plus pénible et le plus sanglant de tous. Les journées sont comme des anges vêtus d'or et d'azur, impassibles au-dessus des champs de la destruction. Chacun d'entre nous sait que nous perdons la guerre. On n'en parle pas beaucoup. Nous reculons. Après cette grande offensive, nous ne pourrons plus attaquer. Nous n'avons plus ni soldats, ni munitions. Néanmoins, la lutte continue. On continue de mourir. Il y a tant d'aviateurs ici, et ils sont si sûrs d'eux-mêmes qu'ils font la chasse aux soldats isolés, comme si c'était des lièvres. Pour un avion allemand, il y en a au moins 5 anglais et américains. Pour un soldat allemand, là et affamé dans sa tranchée, il y en a 5 autres, vigoureux et frais dans la tranchée opposée. Pour un pain de munitions allemand, il y a en face de nous 50 boîtes de conserve de viande. Nous ne sommes pas battus, car en tant que soldats, nous sommes plus forts et plus expérimentés. Nous sommes simplement écrasés et repoussés par l'énorme supériorité numérique. La tempête fait rage sur nous. La grêle des éclats d'obus arrache en cette confusion grise et jaune les cris perçants, les cris d'enfants de ceux qui sont atteints. Et pendant les nuits, la vie déchirée gémit en aboutissant péniblement au silence suprême. Nos mains sont de la terre, nos corps de l'argile, nos yeux des mares de pluie. Nous ne savons pas si nous sommes encore vivants. À l'ouest, rien de nouveau. Erich Maria remarque. Le 9 novembre, 2 jours avant la signature de l'armistice, à 11h du matin, face à l'insurrection grandissante, l'empereur Guillaume II, réfugié à Spa, abdique. À 2h de l'après-midi, à Berlin, Philipp Scheidemann proclame la République allemande. 2 heures plus tard, c'est au tour du spartakiste Karl Liebknecht de proclamer depuis le balcon du château royal de Berlin la République socialiste libre d'Allemagne. De cette journée révolutionnaire, il reste un enregistrement historique, celui de la proclamation faite par Philipp Scheidemann au Reichstag à Berlin. Kaiser hat abgedankt. Er und seine Freunde sind verschwunden. Über sie alle hat das Volk auf der ganzen Linie gesiegt. Alles für das Volk, alles durch das Volk. Nichts darf geschehen, was die Arbeiterbewegung zu Unehre gereicht. Seid einig, treu und pflichtbewusst. Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik. Je trouvais quelque part un attroupement devant l'étalage d'un marchand de journaux. Je pris la queue, la remontai en catimini, et pus enfin lire ce que tous lisaient dans un silence accablé. C'était un journal sorti plus tôt que l'heure habituelle et qui annonçait « L'armistice est signé ». Ce titre était suivi des conditions, une longue liste. Je la lus et me figeai en la lisant. Ces conditions ne parlaient pas le langage lénifiant des derniers bulletins. Elles parlaient la langue impitoyable de la défaite. Cette langue que les communiqués n'employaient que pour parler des défaites ennemies. Que cela pût nous arriver, à nous, et non pas incidemment, mais comme le résultat final d'une longue suite de victoires. Mon entendement se refusait à l'admettre. Je lus plusieurs fois les conditions, la tête renversée en arrière comme j'avais lu pendant 4 ans les communiqués du front. Je m'arrachais enfin à la foule et m'en fus au hasard. Le quartier où je m'étais égaré à la recherche de nouvelles m'était presque inconnu, et j'arrivais dans un autre que je connaissais encore moins bien. J'allais à la dérive, dans des rues que je n'avais jamais vues. Une petite pluie de novembre tombait. Le monde entier était devenu pour moi distant et hostile comme ces rues inconnues. Outre les règles fascinantes que je connaissais, le grand jeu, manifestement, en avait d'autres qui m'avaient échappé. Il devait y avoir quelque chose de fallacieux et de faux. Mais où trouver un appui ? La sécurité, la foi et la confiance. Si le cours du monde était à ce point perfide, si les victoires s'ajoutaient aux victoires pour conduire à la défaite finale, si les vraies règles du jeu n'étaient pas énoncées, mais ne se révélaient qu'après coup dans un résultat accablant, j'entrevoyais des abîmes. La vie m'épouvantait. Histoire d'un Allemand, Sébastien Hafner. Große Ludendorff, Angriff, der hatte uns ja noch beflügelt, sagen wir mal. Le général Ludendorff a lancé sa grande offensive au printemps 1918, dans l'espoir de remporter la victoire finale avant l'arrivée massive des Américains. Mais ça n'a pas fonctionné. Et c'est ainsi que nous avons perdu la guerre. Il y a 2-3 ans, on a construit un mémorial pour les soldats de la Première Guerre mondiale. Et on m'a invité à l'inauguration. Il y avait des hordes de journalistes qui me demandaient « Quelle a été votre pire expérience durant la Première Guerre mondiale ?» Et moi, je leur ai répondu « C'est de l'avoir perdu. Tous les gens étaient médusés. Mais pour un soldat, c'est une réponse très compréhensible. » Souvenez-vous, 27 ans ont passé depuis cette nuit trouée de lueurs imprévues. Depuis ce matin pâle où trois Allemands venaient signer la défaite de leur peuple. Depuis cette heure émouvante de rotonde qui déclenchait l'allégresse du monde. Le 11 novembre à 11h, Paris est en liesse. Aux 1200 coups de canon destinés à célébrer la victoire se mêlent les cloches des églises, ainsi que les sirènes des pompiers et des usines. Tout au long de la journée, l'exaltation ne cesse d'augmenter. L'armistice est signé, la guerre est terminée, la France a gagné. Le soir venu, place de l'Opéra, la soprano Marchenal entame la Marseillaise que la foule reprend en chœur. Je vous raconte une histoire. Le 11 novembre, dans la matinée, le 11 novembre 18 naturellement. Auguste Richard, présent à Rotonde le 11 novembre 18. Dans la matinée, le chef de garde de Rotonde est venu trouver ici M. Bureau, adjoint au maire, pour lui donner une dépêche qu'on lui avait remise. Alors, M. Bureau garde, c'est un ordre de faire sonner des cloches à partir de 11h du matin. Gaston dit alors, on va sonner une cloche. Et en effet, on prend la plus grosse. À partir de 11h, ils ont sonné. Alors, ils sont relayés, non, parce que c'est pas toujours le même qui peut tirer la corde, n'est-ce pas? D'une heure, la cloche sonnait. Quelques heures après, la cloche sonnait toujours. Jusqu'à la 11e heure, où enfin la cloche a rendu l'âme, à 10h du soir. Alors, monsieur, celle-là, je m'en rappelle bien, alors. Nous étions à la campagne, nous étions en train de ramasser des raisins. Madame Rose. Et à 11h, 10h30, on a tapé sur la cloche de l'horloge, avec un marteau. Il y a le sergent de ville qui tapait avec un marteau. Et on sonnait les cloches et on faisait un bruit terrible. Alors moi, j'ai plus voulu rester à la campagne. J'ai parti, j'ai allé au village pour voir ce qui se passait. Et c'était l'armistice. Alors l'après-midi, il y avait des vieux musiciens à Carcès, qui n'étaient pas allés à la guerre, pas qu'ils étaient vieux, mais ils étaient musiciens. Alors on a mis des planches sur la fontaine, on a bouché le trou de la fontaine. On a mis des planches et on a fait le bal et tout le monde a dansé. Ça, c'était le 11 novembre. Mais combien il y avait eu de morts pour Carcès? 68. 68 morts. Nous étions 2000 habitants, il y a eu 68 morts. Il y a eu 4 frères morts. Vous en aviez combien de frères? Cette femme, elle avait 4 enfants, ils sont morts tous les 4. Mais alors après cet armistice, alors on a ramené les corps des soldats qui étaient morts sur le front. Alors chaque fois c'était, il y avait la musique, il y avait à l'enterrement, on faisait la salle de, comment on appelle ça, funéraire, on la faisait à la mairie. Alors tout le monde, tout le village allait à l'enterrement. On a fait un gros tombeau dans le cimetière de Carcès. Et on les a tous mis, on a la place de tous. On n'est pas tout ramené parce qu'il y en avait qui étaient disparus. Le 11 novembre 1918, on a fêté l'armistice, mais on n'était pas aussi enthousiaste que le 8. Parce que nous, on l'a fêté le 8 par erreur. La poste avait annoncé à 8 heures du matin que l'armistice était signé à 7 heures. Et à 11 heures, il a été décommandé. Et l'enthousiasme a été fini. Qu'avez-vous fait alors ce jour-là quand même? Ben, on est sorti en ville, puis on chantait, on dansait. Mais à 11 heures, tout a été fini. Voici maintenant un témoignage d'un genre tout particulier, comme vous allez voir. Il émane de celui qui était alors le lieutenant d'infanterie René Lehmann, qui était à Paris le 11 novembre, et vous saurez dans quelles conditions. J'étais alors lieutenant, en effet, au 81e d'infanterie, et nous avions, pendant tout le mois d'octobre, subi de durs combats avec l'armée Mangin pour repousser les Allemands sur l'Ailette et sur la Serre. À la fin d'octobre, on nous mit au repos dans les environs de Paris, à Plailly. Et vous pensez qu'être au repos à Plailly, à 20 km de Paris, qu'est-ce que ça pouvait représenter pour un Parisien? Heureusement, le colonel Ronnet, qui était mon chef de corps, me dit, mon cher Lehmann, si vous alliez en permission, est-ce que ça vous ferait plaisir? Inutile de vous dire la réponse. Je bondis à Paris. Il y a quelque chose qui m'a frappé terriblement, c'est que je me trouvais dans l'après-midi du 11 novembre sur les grands boulevards. Alors on n'imagine pas ce que c'était. La circulation s'était complètement arrêtée. Les omnibus, les fiacres, les taxis, ils ne bougeaient plus. Une mer humaine envahissait les boulevards. Et alors moi qui étais dans mon uniforme de lieutenant, avec ma croix de guerre, j'étais l'objet de toutes les attentions. J'en étais gêné, je ne savais plus où me fourrer. C'est une façon de parler. Oui, mais quand même, j'étais extrêmement ému, naturellement, parce que l'armistice, qu'est-ce que ça représentait pour nous? Je revois un geste touchant qui pourrait paraître ridicule s'il n'était pas au fond extrêmement touchant. Une vieille dame qui s'approche de moi, qui prend ma croix de guerre et qui pose un baiser dessus. Les gens étaient heureux, chantaient, criaient. Il y avait des orchestres ambulants partout. On jouait la Marseillaise, on jouait la Madelon. Les gens s'embrassaient. Je ne sais pas combien de fois j'ai été embrassé. Je crois que jamais dans toute ma vie j'ai été autant embrassé. Mais... Et sans parler des petites haltes forcées dans les cafés, on nous précipitait, on nous offrait un verre de champagne, ou de mousseux, n'exagérons pas. En tout cas, je me rappelle encore avoir été entouré par une multitude de jeunes filles charmantes qui se penchaient à mon bras, qui m'entraînaient dans des rondes impossibles. Il a fallu que je prenne des rendez-vous pour aller danser avec elles. Il fallait que je réponde à chacun. Enfin, c'était quelque chose d'inouï, on ne peut pas s'imaginer ça. C'était une joie collective immense. On sentait que tout le peuple frémissait enfin de joie d'être délivré de la guerre. Et le soir même, je ne sais pas, je crois qu'on m'attendait chez moi, mais je ne jurerais pas que j'y fusse rentré. Je comprends très bien ces sentiments, car j'ai à peu près rencontré les mêmes dans le camp d'aviation où j'étais pilote à ce moment. Et je voudrais te poser une question peut-être impromptue. Est-ce que tu n'as pas senti de décalage, ou peut-être l'as-tu senti en rentrant dans ton régiment, entre les sentiments de la foule civile et les soldats eux-mêmes sur le front? Pas exactement, non. Parce que vraiment, cette explosion de joie de la foule était quelque chose d'inouï. Ça n'a pas duré d'ailleurs très longtemps, ça a duré peut-être un jour ou deux. Enfin, c'était quelque chose de frénétique. Les gens ne se sentaient plus, ne se voyaient plus. Et quand je suis rentré avec mes camarades, ben, ils étaient aussi heureux de voir que la guerre était finie. Je n'ai pas senti ce décalage. On l'a peut-être senti plus tard, mais pas à ce moment-là. Mais est-ce que leur joie n'était pas moins exubérante, en tout cas? Ah si, beaucoup moins exubérante. D'abord parce que, comme je te l'ai dit, nous avions combattu très durement pendant tout le mois d'octobre. Et nous avions subi de grosses pertes. Et on était vraiment comme des convalescents, quoi, comme des garçons qui... Puis alors, la nouvelle armistice, on le sentait venir. Mais enfin, quand on l'a su, alors, c'était aussi chez les poilus un déchaînement de joie, mais en effet plus triste, plus mesuré, plus raisonnable. Eh bien, je suis heureux pour mon vieux camarade René Lehmann qu'il ait eu son armistice au milieu de la joie la plus débordante, et j'espère qu'il a su en profiter. Général Spears, vous étiez à Paris au moment de l'armistice du 11 novembre 1918. Est-ce que vous avez gardé un souvenir particulier, vivant, de cette journée historique? Je crois bien. C'était un très grand moment dans la vie de n'importe qui avait vécu cette terrible guerre. J'étais prévu moi-même, à ce moment-là, mes bureaux étaient au 4-piste pouvoir des Invalides, c'est-à-dire au Conseil supérieur de la guerre. La téléphoniste du bureau m'a téléphoné à 5h du matin pour me dire que l'armistice était signé. Je l'entendais pleurer de joie au bout du fil. Pour tout le monde, c'était une joie absolument exubérante. Il est impossible de dire ce que pouvait être le soulagement de tout le monde à ce que cette guerre abominable soit finie. C'était donc une joie, tout le monde se félicitait, tout le monde se parlait. Mais ce que je me rappelle d'une façon très vécue, c'était le soir. Le général Bliss, qui représentait l'armée américaine au Conseil supérieur de Versailles, est venu nous prendre, ma femme et moi. Nous montons dans une énorme voiture américaine avec deux soldats américains. À cette époque-là, les soldats américains portaient une espèce de chapeau Boy Scout à bord plat. Et nous voilà partis, mais malheureusement, nous nous sommes trouvés sur les quais de la Seine, sur la rive droite. Nous allions vers la Concorde. Je n'ai jamais vu tant de monde. Tout le monde était enchanté, tout le monde était de bonne humeur, mais vous n'auriez pas pu glisser une feuille de papier entre les gens. Et cette voiture qui avançait, nous avions vraiment très peur que même cette poule de très bonne humeur ne perde la tête, ne se fâche et ne nous jette à l'eau dans la Seine. Le général Bliss, du fond de la voiture entre ma femme et moi, disait à son chauffeur, qu'il appelait Ernest, il disait: Ernest, allez lentement, faites attention, pas si vite. Ne vous pressez pas. Et finalement, cet Américain, c'était mon premier contact avec l'armée américaine. Ce chauffeur, ce soldat américain, se tourne vers le général et lui dit: Général, qui est-ce qui conduit cette voiture, vous ou moi? Je ne sais pas à quel moment nous avons quitté le général Bliss, mais ensuite nous nous sommes trouvés sur les boulevards. Ce qu'il y avait d'extraordinaire, c'était la joie folle des gens. Tout le monde était de tellement bonne humeur et tout le monde dansait. On dansait en rond. Et tout le monde chantait. Et ce que tout le monde chantait, c'était: ah, il ne fallait pas qu'il y aille. Ceci pour le Kaiser. Ensuite, je ne sais toujours pas comment, ma femme et moi nous sommes trouvés chez Maxime. Et assis sur une banquette, est un très grand financier français, très connu de l'époque, qui avait une femme ravissante qui était à côté de lui. Sur ce, entre un officier de la Légion, un très bel homme, un grand gaillard, et il voit cette très jolie femme, il se lance sur elle, il l'embrasse comme j'ai jamais vu embrasser quelqu'un, en public. Et le financier avait l'air de chercher de trouver ça drôle. Mais voilà mon impression du soir de l'armistice. Une joie débordante. Asturio Manouki. Eh bien, on a flâné, on s'est rendu visite de pièce à pièce, de batterie à batterie, et vers les unités d'infanterie. Mais je dois dire que je fus particulièrement indigné de constater que ces pérégrinations étaient rendues fort dangereuses par le fait que les Allemands, les artilleurs allemands qui nous faisaient face, avaient eu l'idée, à mon avis, scandaleuse, plutôt que d'emporter leurs munitions ou de les laisser sur place, de les utiliser par une espèce de tir dispersé qui créait une insécurité générale dans le secteur, au point que un commandant de batterie, que je connaissais fort bien, fut tué à quelques cent mètres de notre position. À Sarrebruck, où nous nous rendons maintenant, Jacques Meyer s'entretient avec des survivants de la guerre. Ils n'ont pas oublié, ils les appellent ses camarades. Je suis aujourd'hui en face de trois anciens combattants allemands de la guerre de 14-18, vétérans comme moi-même, et qui ont bien voulu accepter, parce qu'ils ont des souvenirs et qu'ils parlent en français, de communiquer leurs impressions de ce qu'a été pour eux la fin de la guerre, c'est-à-dire juste il y a 50 ans, le 11 novembre 1918. Alors, j'avais 21 ans et au fin de la guerre, j'étais officier de réserve et aide de camp du commandant du bataillon. La plupart de la guerre, je passais à Verdun, à Romagne, la côte 34, Montfaucon, et nous étions en ligne depuis le moitié octobre, et nous étions, contre nous étions les Américains. Et le 5 novembre, nous avons quitté la ligne avec 3 officiers et 30 hommes. Nous étions pour quelques jours à Stenay. Et le 10 novembre, le soir, on nous a alertés et on nous a mis en wagon pour nous transporter à Spa. Nous pensions que c'était pour garder le grand quartier général et l'empereur. Le matin du 10 novembre, nous sommes soudainement arrivés en Luxembourg et la première station, c'était à peu près à midi. Et ils nous ont raconté que la guerre était finie depuis 11 heures. Et que l'empereur avait quitté l'Allemagne et nous étions tout consternés de ce cas, mais nous étions soulagés que la guerre était finie. Et à quoi pensiez-vous à ce moment-là surtout ? À ce moment, on pensait qu'on était heureux d'être en vie encore, et alors nous avons appris les conditions de l'armistice et on n'avait pas de temps à penser à d'autres choses que ramener les hommes à l'Allemagne sans être pris encore une fois prisonnier. Je vais maintenant m'adresser à votre autre camarade qui, je le crois, était encore au lycée en fin d'études secondaires au moment où la guerre a été déclarée. Et comme beaucoup de Français, il va vous dire des choses que la jeunesse éprouvait à ce moment-là. J'étais encore au lycée, au gymnase, comme on dit chez nous, et un peu influencé par l'enseignement de l'histoire, où l'on ne parlait que de guerre, de victoire, de tout ça. Et le fait que les professeurs étaient, pour ainsi dire, tous des nationalistes, on était un peu, comment dire, enthousiasmés, n'est-ce pas ? On craignait de ne pas arriver à temps pour encore participer à cette guerre. C'était un peu, un esprit d'aventurier qui vous décidait à vous faire enrôler comme volontaire. Je suis entré d'abord dans l'infanterie, tout à fait au début, au 10 août. Et à la suite d'une blessure, j'ai été muté dans les trains et équipages, où peu à peu, j'ai atteint le grade de sous-lieutenant. Et plus tard, j'ai conduit une colonne de munitions, et c'est là que l'armistice est survenu. Nous étions à ce moment-là en direction de la Meuse, et je dois dire qu'on ne se sentait pas heureux de cette fin de la guerre, mais on se sentait plutôt soulagé. Tout le monde faisait ouf. Voilà. On pensait d'abord à l'avenir. Il fallait tout de même reprendre la vie normale. Pour moi, comme j'habitais Wiesbaden, la question de pouvoir rentrer, parce que Wiesbaden était occupée par les Français. Mais la question primordiale pour moi était une autre. Dans beaucoup d'unités, les soldats rentraient tout doucement chez eux et il y avait beaucoup de désordre qui régnait dans ces unités. Et comme j'avais plus de 50 véhicules et plus de 200 chevaux dans mon unité, j'avais tout de même le souci de dissoudre ma colonne en toute régularité. Lorsque l'armistice de 1918 a été signé, vous étiez, vous, je crois, prisonnier et vous aviez 20 ans. À ce moment-là, qu'avez-vous pensé, qu'avez-vous ressenti ? Eh bien, au moment de l'armistice, en 1918, j'étais prisonnier de guerre, comme vous avez entendu, en Hongrie, où j'avais passé de longues années dans un camp entouré de fils de fer barbelés. Nous sommes restés en Hongrie quelque chose comme 15 jours, tout libre. Et après, nous sommes allés à Vienne, on nous a concentrés à Vienne, et nous avons assisté à Vienne, un habit d'officier italien, nous disions, nous avons assisté à la proclamation de la République autrichienne. Il y a encore à Vienne la fête du 12 novembre, c'est-à-dire la proclamation de la République. Et on nous a rien dit, parce que nous nous sommes mêlés dans la foule. Hein. J'ai entendu, à Vienne, il y a 12 Bezirken, on dit arrondissement. Et chaque arrondissement chantait l'hymne, la Marseillaise. Ça, c'est la proclamation de la République autrichienne. Ça, je me rappelle très bien. Hein. Après, devant le Parlement, il y a eu des coups de mitrailleuse, comme ça. N'est-ce pas. Mais on nous a pas embêté du tout. N'est-ce pas. Au contraire, c'était curieux de savoir ce que nous étions. Et moi, j'ai dit, moi, je suis romain, je suis de Rome, je suis né à Rome, j'ai dit romain. Ils ont compris que nous étions roumains, de la Roumanie. Ils nous ont dit, ils nous souriaient, ils nous ont offert d'un apéritif, aller dans un bar, dans un café, comme ça. Rien de tragique. Quand vous êtes rentré en Italie, quand vous avez retrouvé votre pays, quand vous avez retrouvé Rome, votre ville, quel a été, vous vous en souvenez encore, je pense, quel a été votre sentiment ? Eh bien, je vous dis, avant de rentrer en Italie, on nous a concentrés à Trieste, dans l'attente d'un bateau pour aller à Ancône. Mais je préfère de ne pas en parler, parce que quand nous sommes rentrés en Italie, nous sommes arrivés à Ancône, n'est-ce pas, on nous a accueillis pas trop bien. À ce moment-là, dans la Seconde Guerre, on parlait de notre héroïque prisonnier de guerre. Mais à ce moment-là, dans la Première Guerre mondiale, après la Première Guerre mondiale, on ne les a pas accueillis comme des héros, n'est-ce pas? Le général de division en retraite, Wilhelm Stanowski. Au moment de l'armistice, j'étais pilote de chasse à l'escadrille SPA 158, groupe de combat 23. qui opérait les dernières semaines de la guerre en Belgique avec la première armée française. Notre terrain d'aviation se trouvait dans la région de Dunkerque. Et après la retraite des Allemands, nous avons occupé un terrain d'aviation abandonné par les Allemands dans la région des Roulers sur la route des Gand. La population belge, épuisée et affamée par la longue occupation allemande, nous a cordialement accueillis. J'ai effectué le dernier vol le 8 novembre 18, sans que nous sachions que l'indépendance de l'État tchécoslovaque avait été proclamée à Prague depuis 12 jours. Nous sommes partis le jour même de l'armistice, le 11 novembre 18, de Brest, alors que les cloches sonnaient à toute volée. Je dois dire que nous étions un peu tristes de rater ce jour, mais la suite nous a récompensé largement de cette frustration. Joseph Kessel. Nous sommes partis sur un transport militaire américain qui s'appelait le Président Grant, et 7 jours après, nous apercevions à l'aube la Statue de la Liberté. Or, nous étions les premiers soldats à arriver d'Europe après la victoire. Par-dessus le marché, nous étions français. Vraiment, la France était, nous croyons qu'elle était le pays le plus fort du monde. On s'est aperçu par la suite qu'il n'était pas ainsi, mais en tout cas, elle était le pays le plus prestigieux du monde. Et les aviateurs, en outre, étaient des bêtes rares à l'époque. Et quand nous sommes arrivés au port, il y avait une foule énorme pour nous recevoir. On nous a conduits directement à l'hôtel de ville. Et nous avons été l'objet de ces manifestations que tout le monde a vues depuis au cinéma, les confettis qui pleuvent des fenêtres, les fanfares qui jouent, les discours, etc. Nous sommes restés à New York pendant 48 heures dans une espèce de brouillard parce qu'on allait de cérémonie en cérémonie et d'enthousiasme en enthousiasme. Et puis, notre chemin nous conduisait vers San Francisco. Parce que pour atteindre Vladivostok, nous devions faire la moitié du tour du monde par les îles Hawaï et le Japon. On avait un train spécial pour nous et pour les hommes des services de terre. De plus, il y avait avec nous un escadron de tanks. Dans chaque grande ville, c'était la même chose. Il fallait subir, le mot n'est pas juste, on était très contents, mais c'était une fatigue terrible parce que on était pris en charge tout de suite par des gens affolés d'enthousiasme et d'amour, vraiment le mot n'est pas trop fort, et qui voulaient avoir des dédicaces, qui voulaient qu'on leur raconte quelque chose de la guerre, et pour qui le mot de France représentait ce qu'il y avait de plus beau dans l'univers. C'était si puissant que dans les petites villes où les arrêts n'étaient pas prévus, les gens se couchaient sur les rails pour arrêter le train, pour nous combler de cigarettes, d'alcool, parce que le régime sec n'était qu'à venir. Et c'est au milieu de cet enthousiasme que vous arrivez à San Francisco. Nous arrivons donc à San Francisco, et là, nous recevons un télégramme de Paris en nous disant d'attendre, parce que la guerre était terminée depuis au moins 2 semaines à ce moment, et on voulait voir comment allaient tourner les événements pour nous. Nous sommes restés dans cette attente pendant 6 semaines. Ce que ces 6 semaines ont été, maintenant, me paraît absolument incroyable. Dès 10h du matin, quand nous descendions dans l'hôtel, d'abord l'hôtel était gratuit. Les hôteliers, qui sont pourtant une race peu généreuse, ne voulaient pas accepter un sou de nous. Les chauffeurs de taxi non plus. Dans les restaurants, quand on entrait, on jouait la Marseillaise et la Madelon, qui étaient comme, en somme, la Marseillaise du front à travers le monde. À 10h du matin, à l'hôtel, il y avait une file de gens qui ne nous laissaient pas partir. Et c'était impossible, on les aurait blessés à mort, on avait beau refuser, il n'y avait rien à faire, sans nous offrir un verre. Ce qui représentait quelques dizaines de breuvages avant midi. Je vous laisse à penser ce que le reste de la journée était. Je ne veux vraiment pas insister là-dessus, parce qu'on me croira difficilement, Mais nous avons vu des hommes, dans l'exaltation évidemment d'une boîte de nuit et de l'alcool, nous laisser leurs femmes parce qu'ils se sentaient honorés de participer à la joie française. Ce qui fait qu'on comprend très bien que toute cette période de votre vie se trouve enveloppée dans vos souvenirs par une espèce de brouillard. De brouillard heureux, mais de brouillard. Je parle là pour nous, c'est-à-dire du côté officier. Je n'avais pas un grade très haut, j'étais sous-lieutenant, et d'ailleurs le plus vieux de nous avait 23 ans, moi j'avais 20 ans. Alors nous étions aptes à profiter de ça. Vois-tu, petit Kabyle, l'armée coloniale n'était pas constituée que par des Africains, des Antillais, des Malgaches, des Nord-Africains. Il y avait aussi des Blancs. Notre ami Jean Périgot, qui tient régulièrement une chronique dans ce magazine de l'Union française, en faisait partie de cette armée coloniale. Il va nous rappeler ce matin dans quelles conditions il a pris la fin des hostilités en 1918. En novembre 1918, j'avais l'honneur d'appartenir à la 16e division coloniale que commandait le général Dessort. Deux autres divisions coloniales se battaient également sur le front d'Orient, la 11e et la 17e, avec les généraux Farret et Bruneau. Le 15 septembre débuta la grande opération qui devait se terminer le 27 par la capitulation de la Bulgarie. La 11e coloniale était sur la gauche, devant le lac de Prespa. La 17e au centre, sur le massif du Dobropolier avec les Serbes. Quant à nous, nous attaquâmes dans les monts qui dominent le fleuve Vardar. L'offensive des Marsois et des Sénégalais emporta tout. Le jour de l'armistice bulgare, je répète que c'était le 27 septembre, nous avions avancé d'une centaine de kilomètres pour chassant les Allemands qui n'étaient pas encore prêts à déposer les armes. Notre brigade de cavalerie comprenait environ 3000 sabres, sous le commandement du général Juino Gambetta, les 1er et 4e chasseurs d'Afrique et le régiment de marche des Spahis marocains. Elle réalisa un exploit digne des cavaliers de Murat, puisque partie comme nous de la frontière gréco-serbe, elle pouvait abreuver ses chevaux dans le Danube dès le soir du 19 octobre. Quant à la 16e division coloniale, le 11 novembre 1918, la trouva au bivouac, dans les montagnes bulgares, à proximité des faubourgs de la ville de Radomir. Nous campions sous la tente parce que l'ordre était de ne jamais loger chez l'habitant. Il neigeait depuis plusieurs jours. Le thermomètre était descendu à une dizaine de degrés au-dessous de zéro. Nous grelottions dans nos vêtements de toile kaki qu'on n'avait pas encore pu remplacer par du drap. Nous avions la grippe espagnole et les pieds gelés dans nos godillons percés. Comme je parle un peu le serbe et le bulgare, j'étais allé prendre langue avec les gens de Radomir le 11 novembre en vue de l'acquisition problématique d'un mouton maigre ou de quelques poulets éthiques quand je tombais sur le maire de la ville. Il se jeta littéralement dans mes bras en brandissant un papier bleu. « Gospodin Perutchnik !» me cria-t-il. « Ima mir !» Ce qui se traduit par ces mots, « Monsieur le lieutenant, c'est la paix !» Son gouvernement venait en effet de lui annoncer par télégramme la conclusion de l'armistice avec l'Allemagne. À la popote, où j'arrivais tout essoufflé, on me traita de jeune farceur. Je ne triomphais que deux jours plus tard, quand, une fois rétabli le téléphone qui avait été coupé par la neige, le colonel reçut officiellement confirmation de l'événement. Je vous ai dit que nous étions près de Radomir. En bulgare, ce nom signifie « joyeuse paix », Radomir. Vous avouerez qu'il y avait là une agréable coïncidence, encore que, pour fêter la paix, nous n'y va nous mettre sous la dent que du singe arrosé de neige fondue. Et maintenant, je tiens encore à rappeler que les Marsouins, mes chers Marsouins, furent les premiers et les derniers à se battre dans les rangs de l'armée d'Orient. En avril 1915, ils débarquaient sur la côte turque d'Asie, la côte Azizi, comme disaient les Sénégalais. Et le 27 mai 1919, mon régiment, le 4e colonial, subissait encore des pertes lors des combats de Binder sur le Dniestr, en Bessarabie, au moment des affaires de Dessa. Ce jour-là, je vous avoue que je pris pour un coup de tonnerre l'éclatement de l'obus qui me réveilla à 4 heures du matin. Il est vrai que l'armistice était déjà vieux de plus de 6 mois. La guerre racontée par les archives. Une série documentaire de Christelle Le Polothèque et Nathalie Battus. Coordination Perrine Kervran et Marie-Vonne Abolivier. Lecture Samuel Glomé. Prise de son Manuel Couturier. Mixage Alain Joubert. Merci à l'INA, aux archives départementales du Var et au Laut Archives de l'Université Humboldt à Berlin. Un merci très particulier à Marine Decamp de l'INA. Notre émission se termine, petit Kabyle. J'aurais voulu encore te faire entendre la voix d'Anamite, de Tahitiens, de Malgaches, qui seraient venus raconter ce qu'ils ont fait en France entre 1914 et 1918. Hélas, nous n'avons pas le temps.